en live sur Galaxy. Sugar Daddy. We'll be right back. all they can. My grabbing hands, grab all they can. My grabbing hands, grab all they can. sur Galaxy. meilleur du mix, DJ Mike Angel sur Galaxy. l'exposition En avant la musique se poursuit jusqu'au 31 août au Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos. Découvrez-y toute l'histoire de la musique à Wattrelos des années 1800 à aujourd'hui. Entrée libre, horaire d'ouverture 03 20 81 59 50. Ne restez surtout pas enfermés cet été. L'Office de Tourisme de Villeneuve-d'Ascq s'ouvre à vous et vous invite à découvrir tout l'été ses musées, Aznapio, le mémorial d'Ascq à 1944, le château de Lers, mais aussi ses parcs et lacs, parc du Héron, lac des Espagnols, Saint-Jean, etc. Info web www.villeneuve-d'ascq-tourisme.eu. Le centre historique minier de Levarde vous convie à une nouvelle exposition baptisée Flora Magica à découvrir actuellement et jusqu'à la fin de l'année. Au programme, les œuvres et créations photographiques de l'artiste Stephen Sack. Renseignements, musée de la mine du Nord-Pas-de-Calais, 03 27 95 82 82 ou sur chm-levarde.com. Dans le cadre de la manifestation Verlouf, le second dimanche de septembre sur Wattrelos, appelle à candidature de figurants costumes d'époque pour la reconstitution du brûlage de Verlouf. Renseignements et inscriptions, 03 20 80 65 84 ou sur ville-wattrelos.fr. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com.